Incontestablement Dieu, à toi la gloire, Seigneur. Voilà pourquoi je te chante. Tant que je vivrai, Seigneur, tu feras ma joie. Tu seras mon cantique, mon pas de danse. Alléluia.